Chapitre 3. Oui, Magali était orgueilleuse, les soubresauts de son amour-propre blessé amenaient de terribles crises morales. Et Mlle Amélie se vit en face d'une tâche difficile, consistant à faire pénétrer dans ce cœur d'enfant les principes d'humilité qui pouvaient seuls sauver cette petite créature, destinée à une vie dépendante, vraisemblablement obligée, toujours, de se soumettre à l'autorité d'étrangers et d'accepter en silence l'oubli et la pauvreté. Mademoiselle Noué et ses pupilles avaient accompagné à Londres la duchesse de Saldif et ses enfants. Ils avaient tous, l'été suivant, gagné Hawker Park, la magnifique résidence d'été des ducs de Saldif. Mademoiselle Amélie, occupant un appartement indépendant, les enfants se trouvaient fort rarement en contact avec la noble famille dont ils étaient les obligés. De temps à autre, ils étaient amenés par Mademoiselle Amélie chez la duchesse, qui leur faisait quelques bienveillantes questions, leur distribuait des friandises et garnissait leurs petites bourses, ce qui assombrissait Magali pour toute la journée. Lady Ophelia affectait de les ignorer totalement. Quant à Lord Gerald, il ne le voyait que de loin, passant à cheval le long des allées du parc ou traversant, entouré d'une brillante jeunesse, les magnifiques jardins d'Hawker Park. Lady Isabelle, tout au contraire, réclamait sans cesse la présence de Magali. Elle avait une petite tête de linotte, mais un bon cœur, et se trouvait dépourvue de cette morgue naturelle à son frère et à sa cousine. Magali lui plaisait beaucoup par sa vive intelligence, ses manières empreintes d'une distinction innée et cette grâce caressante que la petite fille savait mettre dans son regard et dans son geste lorsque rien ne venait blesser sa susceptibilité. Cette crainte des moindres piqûres d'amour-propre la portait à éviter tout ce qui pouvait la rapprocher de ses nobles hôtes. Elle ne céda qu'avec quelque peine au désir exprimé par Lady Isabelle sur l'autorisation maternelle de l'avoir pour compagne d'études et de jeux, comme l'avait été jadis Mademoiselle Amélie pour Lady Juliane. Mademoiselle Noué avait appuyé la demande de son élève, jugeant ce contact utile pour accoutumer la fière Magali aux intimes petites blessures inhérentes à sa position, en même temps que pour lui rendre, dans la société de l'aimable Isabelle, cette gaieté que la mort de sa mère semblait avoir presque anéantie. Mais quelle tendre patience fut nécessaire à Mademoiselle Amélie pour calmer les soubresauts de cette nature altière, d'un côté ardemment portée vers le bien, de l'autre tourmentée par cet orgueil dont l'excessive sensibilité lui était un martyre continuel. Les considérations religieuses avaient seules quelque pouvoir sur cette petite âme, et Mademoiselle Noué n'espérait qu'en elle pour transformer Magali, le petit démon, comme elle l'appelait parfois, avec une sévérité triste qui faisait abondamment pleurer l'enfant. Car Magali aimait Mademoiselle Amélie avec la passion qu'elle mettait dans ses affections comme dans ses antipathies. De son origine méridionale, elle tenait une nature ardente, enthousiaste, qu'elle concentrait souvent, mais qui se manifestait parfois, soit avec une sorte de violence, soit, beaucoup plus souvent, dans des actes de délicatesse tout à fait charmants. Mademoiselle Noué était frappée des trésors contenus dans ce cœur d'enfant, mais aussi un peu effrayée en constatant cette imagination ardente et cette volonté si vite cabrée devant l'obstacle. Le petit Freddy, lui, s'éleva tout seul. Il faisait le bonheur d'Isabelle et, parfois, on l'appelait au salon pour l'entendre dire, avec les petites mines charmantes qui lui étaient naturelles, les fables et les poésies que lui apprenait Mademoiselle Noué. Il revenait tout joyeux, les poches pleines de bonbons qu'il offrait aussitôt à sa sœur, sa Magali chérie, en lui racontant que Lady Ophelia avait dit qu'il était très gentil, que Lord Gerald s'était montré tout à fait bon et lui avait promis une jolie montre pour sa première communion. Et Magali, refusant les bonbons, demeurait longtemps songeuse, les sourcils froncés. Peut-être l'étrange petite fille était-elle blessée de cette idée que son frère servait à l'amusement de Lord Gerald et de sa cousine, de lui surtout, contre lequel elle gardait l'antipathie éclose dès le premier instant, antipathie réciproque qui se manifestait chez le jeune duc par une indifférence dédaigneuse, chez Magali par un mutisme presque absolu dans les rares occasions où elle se trouvait en sa présence. Un matin d'août, il y avait alors plus d'un an que les orphelins se trouvaient sous la tendre tutelle de Mademoiselle Noué, Lady Isabelle entra comme une trombe dans la petite salle où Magali faisait réciter une leçon à son frère. « Je viens chercher Freddy. Nous allons à la cascade et Gérald et moi. Gérald veut bien que nous emmenions le petit. » Sans empressement, Magali rectifia la tenue de son frère, refit le nœud de sa petite cravate. « Dépêchez-vous, cher, Gérald va s'impatienter. Freddy est très bien ainsi. Je ne peux pas vous offrir de nous accompagner, il y a tout juste la place pour Freddy dans le poney-chaise. Mais venez nous conduire, Magali, vous verrez mes nouveaux poneys, un cadeau de Gérald. Il est si bon !» Comme tous les trois traversaient le hall pour gagner la cour d'honneur, les éclats d'une voix irritée parvinrent tout à coup à leurs oreilles. « C'est Gérald qui se fâche !» murmura Isabelle. Ils s'avancèrent vers le grand perron. Au bas des degrés était arrêté le poney-chaise. Et tout près, Lord Gérald était debout, ses grands yeux bruns étincelants de colère, sa main droite agitant une canne légère au-dessus de la tête d'un petit groom, tout courbé et tremblant. À quelques pas de là, Lady Ophelia, en coquette tenue du matin, regardait tranquillement, tout en jouant avec une fleur cueillie tout à l'heure dans les jardins. Le cœur compatissant de Magali bondit à cette vue. Ce groom était un bon petit enfant, un peu étourdi, mais absolument dévoué à ses maîtres. Sans doute avait-il commis quelques fautes légères, et Lord Gérald, si bon, s'apprêtait à l'en punir impitoyablement dans un de ces accès de colère dont il était assez coutumier. « Oh, empêchez-le, empêchez-le !» dit Magali à Isabelle en lui saisissant le bras. « Mais je ne peux pas, il se fâchera davantage !» À ce moment, le stick s'abattit sur les épaules de l'enfant. Alors Magali, n'écoutant que l'impulsion de son cœur, s'élança au bas du perron et se jeta devant le petit garçon. « Assez, milord, ne le frappez plus !» s'écria-t-elle d'un ton suppliant. « De quoi vous mêlez-vous? Reculez » dit-il avec violence. « Allons, vite !» Mais Magali, surexcitée, s'écria avec indignation véhémente. « Non, je ne bougerai pas. C'est affreux ce que vous faites là. Vous êtes un lâche de frapper ainsi ce pauvre petit. » Une lueur jaillit sous les longs cils blonds du jeune homme. Les veines de son front se gonflèrent. Le stick, soulevé par sa main nerveuse, tomba avec violence, cinglant le poignet que Magali avait élevé instinctivement pour protéger son visage. L'enfant eut un gémissement. D'un geste brusque, Lord Gérald jeta la canne au loin. Très pâle, il se rapprocha de Magali, vers qui accouraient Isabelle et Freddy. Mais la petite fille leva les yeux vers lui, et ce regard exprimait une telle intensité de mépris et d'indignation que le jeune homme s'arrêta, la physionomie contractée, en laissant retomber la main qu'il étendait vers elle. « Ma pauvre chérie !» dit Isabelle d'une voix tremblante, en lui entourant le cou de son bras, tandis que Freddy, tout pâle, s'emparait de la main de sa sœur. « Montrez-moi ! Mais cela saigne ! Oh, Gérald !»« À qui la faute ? » dit-il, les dents serrées, en détournant son regard du visage altéré et des grands yeux sombres de Magali. « Si elle m'avait obéi !»« Oui, cela lui apprendra à se mêler de ceux qui la regardent !» ajouta Lady Ophelia en levant les épaules. « Ne faites pas cette tête éplorée, Isabelle, il n'y a là qu'une petite éraflure sans importance. » Lord Gérald prit le stick que venait de ramasser un domestique et dit froidement « Venez-vous, Isabelle, l'heure est déjà avancée, nous serons à peine de retour pour l'heure du lunch. » Isabelle regarda Magali d'un air un peu perplexe. « Allez vite trouver Mademoiselle Amélie, ma pauvre chérie. Elle vous donnera quelque chose pour vous remettre, » dit-elle en l'embrassant affectueusement. « Venez-vous, Freddy !» Mais le petit garçon secoua énergiquement la tête. « Non, je reste avec Magali, ma pauvre Magali !» répondit-il en appuyant tendrement sa joue sur la main de sa sœur. « Allons, dépêchez-vous, Isabelle !» dit Lord Gerald d'un ton d'impatience irrité qui fit se hâter la fillette. Quelques instants plus tard, la légère voiture s'éloignait, Ophélia rentrait au château et Magali restait seule dans la cour avec Freddy et le groom. « Oh, Miss Magali, c'est pour moi, pour moi !» dit l'enfant en pleurant. Elle eut un léger mouvement d'épaule, ses traits crispés se détendirent un peu. « Ce n'est rien du tout. Qu'aviez-vous donc fait, Jem ?»« J'avais oublié une commission que m'avait donnée sa grâce. « Oh, Miss Magali, quelle marque vous avez !» dit-il d'un ton désolé. « Vous auriez dû me laisser battre, j'y suis habituée. » « Comment, cela vous arrive souvent ?»« Oui, quand sa grâce est en colère. Oh, Miss Magali, ce n'est pas bien terrible, allez, j'y suis habituée, je vous dis, et autrement, je suis très bien ici. J'en voyais bien d'autres à la maison. » « Je ne croyais pas Lord Gerald si méchant, » dit pensivement Freddy en regagnant avec sa sœur l'appartement de Mademoiselle Noué. Magali ne répondit pas. Un travail commençait dans son cerveau, il se continua toute la soirée, et lorsque Mademoiselle Amélie vint l'embrasser dans son lit, l'enfant lui noua les bras autour du cou en disant « Écoutez, mademoiselle, je ne veux plus me mettre en colère. J'ai vu Lord Gerald et il bat souvent ce pauvre Jem. Oh, ne me dites plus qu'il est bon, je le déteste !» dit-elle dans une explosion de rancune. « Magali, Magali, que dites-vous là ? Le duc de Saldif, si violent, si dur qu'il puisse être parfois, n'en demeure pas moins votre prochain. Magali, vous cédez en ce moment au sentiment causé par l'humiliation qui vient de vous être infligée. » Magali cacha son visage entre ses mains et pleura longtemps. Enfin, relevant la tête, elle dit d'un petit ton ferme « J'essaierai de lui pardonner, d'oublier. Mais ne me dites jamais qu'il est bon !»